Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hola la Música, avui amb música en directe, perquè el que us portarem serà un concert. Avui tindrem com a gran protagonista del nostre programa des de en directe al Teatre dels Camps Elísics de París el 1978, a la France Gall, un excel·lent cantant que ens aportarà les seves millors cançons fins aleshores. De tant en tant, volem aproximar-vos a música en directe també a través de Hola la Música. Salutacions de Rafael Corbí, anem a gaudir-la, doncs, amb aquestes cançons que ens portarà al llarg del dia d'avui. Douce, douce, douce, douce, douce musique. Ooh. Qu'il vienne à moi. Esteu escoltant Ulala Music. J'ai énormément de tendresse pour la chanson que je vais interpréter maintenant, puisque c'est la première que j'ai faite avec Michel Berger, et qu'elle s'appelle La Déclaration, d'ailleurs. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te fais. Ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer, que tu l'as tout près de moi. Je peux m'imaginer tout bas. Une déclaration. Ma déclaration. Juste deux, trois mots. Thank you. Esteu escoltant Hola la Música, música en directe des dels Camps Elisis, 1978, amb Franz Gall. Je l'aimais. Objets inanimés, savais que jamais, jamais je ne pourrais l'oublier tout à fait. Et je réalisais que je l'aimais, je l'aimais. Je l'aimais, je l'aimais. Du Japon au Kenya, je ces mots, je ne les comprends pas. C'est mieux que ça. Regarde-moi. Est-ce que tu me trouves jolie comme ça? Je sais tu es fâchée contre moi, mais ça va passer quand ça passera. Souris-moi, dis-moi, tu veux que je chante? De Maggie qui travaille dans une boîte de nuit. Quand le soleil se retire comme la mer pour un coquillage, je m'éveille et je m'étire et je sors de mon nuage. Appelez-moi Maggie, appelez-moi Maggie, mon domaine c'est la nuit. Je sors de la maison, mon soleil c'est le néon. J'arrive dans la boîte encore vide, dans la glace ma première ride. Appelez-moi Maggie, appelez-moi Maggie, mon domaine c'est la nuit. Pour qui veut des cigarettes, je suis là, je me tiendrai. Chercher la fête, qui veut se tourner la tête. Appelez-moi Maggie, appelez-moi Maggie, mon domaine c'est la nuit. J'aurais pu rencontrer celui que j'aurais aimé par une belle matinée à l'heure où je m'endormais. C'est la nuit, mais je ne fais que croiser les cœurs des molles usées de ceux qui veulent oublier leur vie dans l'obscurité. Appelez-moi Maggie, appelez-moi Maggie, mon domaine c'est la nuit. Les batteurs frappent comme des sous c'est américaine. Elle fait des progrès de jour en jour, mais j'ai peur que vous ne compreniez quand même pas très bien ce qu'elle dit. Nous allons essayer, n'est-ce pas, Patti? Esteu escoltant Oh La La Music amb Rafael Corbí. j'ai jamais connu Cap Calloway. Moi, mon rôle, c'est Fred du Top Alway. Je connais Passy. Ah, ah, Benny. Je suis pas Yankee. J'ai une titi. Moi, je suis pas pour les Cocorico. Il y a aussi de mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal. Jolie. Mais je veux faire quelque chose à moi. Faudra travailler, mais pourquoi pas? Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance si. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance si. Les claquettes, c'est plus de notre époque. La métro. Thank you. La música en directe protagonista Hola la música és en Franz Gall i el seu directe el 1978 al Teatre dels Camps Elisis de París. La chance a tourné dans ta vie, mes amours, du bon, du mauvais côté. Ce que tu t'étais juré n'est jamais, jamais arrivé. Les chaleurs d'été et les neiges de l'hiver sont toujours, toujours passées. Ce que j'ai jamais trouvé un autre conseil à donner. Aime-la et garde-la tout auprès de toi. De tes bras. L'amour est capricieux, il est difficile. Il passe et il se casse, il est si fragile. Est-ce que tu sais quand il est là, tu sais quelle chance tu as? Aime-la, et si elle veut ne la quitte pas. Non, aime-la, et laisse-la aller où elle voudra. Auprès de toi, aime-la et garde-la au creux de tes bras. L'amour est capricieux, il est difficile. Il passe et il se casse, il est si fragile. Est-ce que tu sais quand il est là, tu sais quelle chance tu as? Aime-la et si elle veut ne la quitte pas. Non, aime-la et laisse-la. Espero que el concert hagi estat del vostre grat i si us agrada, repetirem amb més protagonistes concerts en directe de l'Ola Música, la música en francès, a la vostra emissora amb Rafael Corbí. Avui, French Gaul des dels Camps Elisis. Era l'any 1978. A reveure. J'ai voulu être une étoile, briller sur tout l'univers. J'ai voulu être un oiseau, frôler le soleil et l'eau. J'ai voulu être un nuage, léger, rosé, transparent. On n'a pas notion. J'ai voulu porter la terre sur mes épaules fragiles. J'ai voulu plier le fer des monstres géants de la ville. Au diable que je me